de gens qui ont été victimes des forces, de la force publique colombienne, que ce soit la police, l'armée, les forces spéciales, etc. Donc, entre le 3 et le 12 juillet dernier, j'ai participé à la mission SOS Colombia. Cette délégation, organisée entre autres par la campagne Défendre la liberté Asunto de Todas, le comité de solidarité avec les prisonniers politiques, la fondation Forjando Futuros, le centre d'investigation et d'éducation populaire, Programme pour la paix, a permis à 41 délégués et déléguées venus de 13 pays différents du continent européen et américain de se rendre dans différentes régions du pays pour récolter des témoignages et visibiliser les graves violations aux droits humains perpétrées par l'État colombien durant les manifestations qui ont eu lieu dans le pays au printemps 2021, ainsi que pour travailler sur les garanties à la contestation sociale en Colombie. Je vais donc vous parler de ce que j'y ai vu, compris et ressenti en tant qu'Européen, Belge, concerné par les luttes universelles du peuple colombien. Aujourd'hui, cela fait un peu plus de 10 ans qu'une rencontre avec des exilés politiques colombiens ici à Bruxelles m'a ouvert à ce pays. Je vois la situation sociopolitique colombienne comme un long apprentissage et ce pour différentes raisons. Il est d'abord compliqué de l'extérieur de comprendre les tenants et aboutissants d'un conflit qui dure depuis plusieurs décennies. De plus, lorsque chaque région est touchée de manière différente par celui-ci. Même si les conflits d'intérêts restent relativement similaires partout dans le pays. Je crois aussi qu'un conflit interne, lorsqu'il dure dans le temps, influe sur la culture d'un pays. Il pénètre tous les pans de la société, s'englue dans les vies de chacun, façonne le rapport à la vie et au monde, marque un peuple des traumatismes qu'il engendre. Pour un étranger, comprendre la Colombie demande donc d'y passer du temps afin de tenter de se maîtriser ces différents facteurs. Le peuple colombien, marqué dans sa chair par les organes de pouvoir, armés comme non armés, répond de sa chair. Cela se voit, se sait, lorsque des centaines, des milliers de paysans, d'indigènes, d'afrodescendants dédient leur vie à la préserver, à force de solidarité et de lutte commune. Lorsque le mort d'aujourd'hui rejoint celui d'hier, d'avant-hier, de la semaine passée, d'il y a 10 ou 30 ans, qu'il est embrassé par les siens, et qu'il embrasse à son tour de dignité et d'espoir ceux qui restent et ceux qui sont à venir. Cela se voit, se sait, lorsque les universités sont remplies de jeunes qui cherchent à se former en tant qu'avocats, médecins, économistes, sociologues, journalistes, pour défendre, soigner, penser des économies locales qui échapperaient à la mainmise néolibérale, décortiquer et informer de manière honnête. Cela se voit, se sait, lorsque partout dans le pays, des femmes et des hommes se lèvent menacés chaque matin et affrontent le climat de terreur qui leur est imposé. Cela se voit, se sait, lorsque la rue se remplit, car sa jeunesse n'a plus peur d'affronter la mort qui se trouve au bout de l'arme du militaire, du paramilitaire, du policier, qui lui en possède deux, une officielle et une personnelle, ce qui lui permet de tirer sur les manifestants sans laisser de preuve que les balles qui ont tué ont été fournies par l'État. Cette jeunesse vue comme une entrave à la liberté d'humilier et de détruire que l'uniforme octroie. Quand les luttes s'y croisent, s'y entrelacent, le temps d'une cuisine communautaire ou d'un atelier de peinture murale, ou pour une vie, parce que toutes répondent à la même violence fasciste. Les rues colombiennes sont une réponse courageuse à la lâcheté morbide des gouvernements successifs qu'elles ont connus. Faire des locaux, d'un commissariat de quartier une bibliothèque, c'est sans doute ça le courage. C'est la plus belle réponse que l'on puisse faire à un système qui limite volontairement l'accès à l'éducation. Ce que j'ai retiré des témoignages écoutés et filmés à Cali, c'est l'urgence qu'il y a de la part de la jeunesse de se réapproprier son avenir, par le biais de l'accès à la santé, à l'éducation, à l'emploi, à une vie digne, ainsi que d'échapper à la violence physique, symbolique et sociale qui les poursuit depuis toujours. Une grande partie des jeunes qui se seront trouvés dans les rues ont été un jour déplacés de la campagne à cause du conflit et jetés aux abords des villes. J'aimerais citer les témoignages qui suivent. Ils sont ceux de deux jeunes filles amies, originaires de Caldono, Cauca, une région du sud-ouest du pays, qui était très fortement touchée par le conflit. Je suis arrivé ici, à Cali, et maintenant, ce que je vois, c'est ce que j'ai toujours vécu depuis des années dans la campagne. Les disparitions, le terrorisme. Donc comme si tous ces éléments se confondaient entre eux et qu'ils mettent en place leur plan de terreur et arme tout le monde pour venir nous tuer ou nous inculper ou jeter nos corps dans les rivières. Tout ce qui s'est déjà passé dans les zones rurales. Donc là, elle parle de ce qu'elle a pu vivre pendant ces manifestations dans la ville de Cali, des mécanismes d'oppression et d'assassinat qu'elle avait déjà vécu. Et la seconde de reprendre. Je suis orpheline à cause du conflit armé qui m'a pris mon père alors que je n'étais née que depuis 4 jours. À mon 7e mois, ma mère a dû me laisser dans un lieu de bien-être familial. J'ai grandi dans un contexte très précaire. Les abus étaient constants. J'ai ensuite été éduqué par la garde indigène, ce qui m'a permis de grandir et de me former avec des valeurs communautaires, avec un sentiment d'appartenance. Je me suis naturellement mis à aller vers le travail communautaire. Le problème a été que de vivre sur un territoire contrôlé par les FARC a conduit au fait que, à l'âge de 13 ans, j'ai été recruté de force. J'y suis resté jusqu'à pouvoir venir à Cali, 3 ans plus tard, dans le but d'étudier, ce qui était un rêve. Je ne voulais pas finir comme mes amis qui pour la plupart sont morts dans des bombardements. Tout ce que l'on sait d'eux, c'est qu'ils sont enterrés quelque part dans la jungle du sud-est colombien, du sud-ouest, pardon. Je suis donc arrivé à entrer à l'université. Je me suis gradué et je suis aujourd'hui professeur universitaire. En tant que professeur, j'essaye de ne pas être juste académique, mais aussi de réveiller les consciences, parce que nous avons des jeunes qui ne connaissent pas leur histoire, leur contexte. J'essaye de les rapprocher des réalités de la campagne. Ça n'a pas été facile d'en arriver là. Les embûches sont nombreuses, les discriminations, même au sein de l'université, sont constantes. Pour le fait de venir de la campagne, qui plus est de Caldono, qui est donc une région qui était contrôlée par les FARC, si tu viens de là, tu es donc des FARC à leurs yeux, et les discriminations étaient aussi liées au fait d'être indigène. Donc ça, c'est des témoignages de personnes des jeunes qui faisaient partie de ces manifestations et qui ont subi des violences. Je continue ? J'avais envie de poser quelques questions. Je pense que, bon, moi je connais, je n'étais jamais en Colombie, mais j'ai une idée. Mais voilà, c'est un assez grand pays, non ? Et Cali, par rapport à Bogota, Medellín, les grandes villes, Ça représente quoi Cali, c'est la troisième ville du pays. C'est la troisième ville. Voilà après Bogota et Medellín. Ouais. Et elle se situe c'est dans le... Plusieurs millions ou... C'est très grand. C'est plusieurs millions, je pense. Je ne pourrais pas dire exactement. Ouais, bon, si on a Internet, à peu près, on peut... Quoi, c'est une grande ville, c'est ça. Après, je pense que ça dépend, parce qu'il y a aussi... je sais qu'il y a des zones... assez peuplées, etc. Mais je ne sais pas si on les compte, doyen de ces zones qui sont un peu des zones presque bidonvilles. On appelle ça des terrains d'invasion, de gens donc, qui arrivent des campagnes et qui s'installent aux abords des villes, etc. On les compte pas, c'est comme la ville de Mexique. Personne ne sait si c'est 20 millions, 18 ou 22, on ne sait pas. Voilà, mais là, dans ce cas-ci, en tout cas, je ne sais pas comment la ville de Cali compte ses habitants, mais je pense qu'il y a plusieurs millions, je pense. Énorme, tout à fait. Mais c'est vrai, c'est la ville capitale à côté de Cauca. Donc c'est vraiment la région de FARC. Qui était vraiment très touchée par les FARC. Peut-être, peut-être on connaît, mais il y a des auteurs, auditeurs, auditrices qui ne savent peut-être pas qu'est-ce que c'est la FARC, non ? C'est un mouvement marxiste révolutionnaire qui a existé pendant près de 60 ans en Colombie. Et qui, en novembre 2016, a déposé les armes. Enfin, il y a eu un accord bilatéral de cessez-le-feu avec le gouvernement colombien. Pas contre ELN, ils n'ont pas fait... Contre le ELN, qui est une autre guérilla, qui est toujours présente. Et il y a des gens qui sont sortis du FARC qui continuent à lutter aussi, non ? Ils comptent, le truc, c'est qu'avec la dissidence des FARC, c'est que beaucoup sont réorganisés en groupes criminels. Criminels. Ils font partie des gens qui tuent les leaders sociaux. Ils se battent avec les groupes paramilitaires, avec les cartels, dont le cartel de Sinaloa, etc., dans le Cauca. Sinaloa, en Mexique. Les Mexicains sont présents en Colombie. Ouais, le cartel de Sinaloa est présent en Colombie. Mmh. Et donc, ces groupes de dissidence des FARC ne sont pas des gens qui luttent, c'est des groupes criminels qui essayent de contrôler le business de la coca et qui sont dans des conflits d'intérêts qui les mènent à tuer des leaders sociaux et des défenseurs des droits humains et des choses comme ça. Ouais. C'est un peu dire d'office de ceux qui continuent à lutter. Les anciennes de la FARC, et c'est... En tout cas, il y a des assassinats qui ont lieu et les gens dénoncent le fait que ce soit de la dissidence des FARC. Après, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de groupes de dissidence des FARC qui continuent réellement une lutte politique, etc. Ouais, okay. Voilà. Mais je ne dis pas que ça n'existe pas, je ne suis pas au courant de tout. Mais en tout cas, il y a des groupes de dissidence des FARC qui tuent des leaders sociaux, qui sont des groupes criminels aujourd'hui. Ouais. Et donc, c'est des jeunes qui viennent du Cauca, qui ont déjà vécu une vie assez opprimée, entourée de violences, qui viennent étudier en Cali, qui maintenant, dans les manifestations, revivent les mêmes violences institutionnelles. Il y a eu beaucoup de jeunes des quartiers populaires qui étaient intéressant, c'est qu'ils n'étaient pas du tout politisés de base, en fait, et qui se sont politisés pendant les manifestations, comme ce qu'on a appelé aujourd'hui, qui est un mouvement national en Colombie, qui est à la première ligne. Et donc, c'est un mouvement, vraiment des mouvements comme ça, sociaux ont surgi de ces manifestations, des organisations qui n'existaient pas dans le paysage politique ou social de la Colombie. Je peux continuer, si vous... Mais peut-être avant de continuer la discussion, il y a aussi des morceaux de musique, qu'on est déjà à 20 minutes de l'émission. Ouais. Et comme ça, les gens peuvent aussi réfléchir sur tout ce qui a été dit, et on peut continuer la discussion. Et on met le premier morceau, c'est Matando, donc c'est Matar. C'est San Matando. Et c'est, en fait, c'est un cri qui était... donc, c'est le titre du morceau. Et c'est un slogan qui est repris. Donc, ils sont en train de nous tuer. Et c'est un slogan qui est repris en Colombie depuis plusieurs années par rapport aux assassinats de leaders sociaux. Et évidemment, un slogan qui était repris dans les manifestations. Voilà, Nos Están Matando. Dans le groupe de Cali, justement. Les quito el sombrero a esta generación de obreros que sin miedo va al combate. Vándalos que luchan con piedras y arde, es muy fácil que la ley los mate. Me enseñaron que un guerrero entre la vida y muerte siempre se debate. Salí de mi casa por un sueño, de momento pum, mi corazón ya no late. En nombre de todas las víctimas soñadoras, Dios los perdone si existe. No olvidamos que mataste un hermanito, un colombiano, eso es muy triste. Un colombiano de los tuyos que se paró por lo tuyo y no entendiste. Defiendes a muerte a los que no conocen, no entiendo por qué lo hiciste. Nos están matando, nos están robando. Desde arriba mirando, cómo nos vamos acabando. Nos están matando, nos están masacrando. Desde arriba mandando, los míos nos están tirando. La primera línea sacrifica vidas por nuestros derechos, igual que la minga indígena mártires poniendo el pecho. Y así no censuren y los medios tergiversen los hechos. El mundo ya sabe quiénes son los criminales al acecho. Soy la voz de un país insatisfecho que reclama por los desaparecidos a lo mal hecho. Porque un pobre mata a un pobre y lo trata como un desecho. Y el que ordena y envenena está descansando en su lecho. Nos siguen cogiendo de flechos. La guerra es un negocio y le sacan mucho provecho. Mi canción es una roca que lanza un rebelde arrecho. Por hablar puedo terminar en un cajón estrecho. La mayoría no te quiere en el poder. No respondes con violencia. Vos callas con violencia. Cuando héroes más tenemos que perder. Vos no tenés inteligencia. Mucho menos conciencia. Mi Colombia está cansada, envenenada. Ya no hay temor a nada. En la suya morirá y si es mañana que embarrada. Nos están matando, nos están robando. Desde arriba mirando, cómo nos vamos acabando. Nos están matando, nos están masacrando. Desde arriba mandando, los míos nos están tirando, nos están matando. Ben, on a toujours à l'émission Tranche d'un art et on parle de lutte en Colombie et à la violence qui a eu lieu là-bas, ou qui a toujours, parce que ça... Aujourd'hui, il y a une persécution en fait, des jeunes qui ont participé aux manifestations, en fait, des jeunes qui ont, par exemple, été pris en photo pendant une manifestation, qui n'ont rien à se reprocher sur le photo, les photos, ils ne font rien d'illégal, etc. Et parfois, qui étaient emmenés au commissariat. Là, on prenait leur identité, on les laissait partir, on disait maintenant on sait qui tu es. Et puis ces jeunes commençaient à se faire surveiller, etc. Puis ils disparaissent, ils se font enlever, on les retrouve pas, on retrouve des corps dans les rivières, on retrouve. C'est un peu ça. Donc aujourd'hui, oui, il y a toujours des jeunes, des gens qui vivent cachés par le fait d'avoir simplement participé à ces manifestations, quoi. C'est clandestinité. Là. Qui vivent dans la clandestinité, etc. J'ai un témoignage d'un jeune homme, début de la trentaine, jeune entrepreneur, hein, qui n'est pas, on va dire, il n'a pas le profil type d'un jeune qui pourrait se retrouver dans les manifestations, etc., à affronter la police, etc., quoi. Et qui m'expliquait que depuis, donc là on était en juillet, les manifestations avaient commencé le 27 avril. Il m'expliquait que depuis, il n'avait pas vu ses enfants. Quelques semaines après le début des manifestations, il s'est retrouvé donc dans la première ligne, etc. Puis il a été un moment de voir ses enfants lorsque la police l'a contrôlé, l'a emmené au commissariat, lui a dit, l'a tabassé pour avoir son identité. Et une fois qu'il l'a donné, ils lui ont dit, bah, écoute, maintenant on a ce qu'on... Toutes les infos qu'il faut pour te menacer. Ouais. Et que depuis, il était menacé, etc., quoi. Et ses enfants aussi, toute la famille. Ça arrive, ça peut arriver que la famille soit menacée aussi, etc. Dans ce cas-ci, c'est pas ce qu'il m'a dit, mais c'est des choses qui arrivent, ouais. Mais est-ce que ce serait pas une longue histoire déjà en Colombie, tu vois, depuis, je sais pas, une répression féroce depuis, je sais pas, 50, 60 ans au moins? Non, tout à fait, en fait, ces techniques de... C'est pire maintenant ou... Non, c'est différent. C'est que ces techniques de répression donc, qui existaient, de répression, c'est même pas... C'est plus que ça, c'est cette manière d'installer la terreur dans la vie des gens existait dans les campagnes depuis toujours, etc. Mmh. Ici, dans les manifestations, les gens se sont aperçus de la violence, enfin les citadins se sont aperçus de la violence dont était capable l'État colombien, ce que les ruraux vivent depuis effectivement plusieurs décennies. Dans les témoignages, c'était intéressant de voir que évidemment la télé colombienne combat idéologiquement le Venezuela de Chavez. Et en dépeignant le Venezuela et Chavez, quand il est encore là aujourd'hui, on est dans ce discours-là, on est dans l'héritage de Chavez de toute façon, aujourd'hui avec Maduro, etc. Et les gens, donc beaucoup de gens lambda, etc., qui suivent la télé, qui s'éduquent avec la télé colombienne, etc., les chaînes principales, m'ont dit, mais on fait que nous répéter à longueur de temps que le Venezuela c'est le pire pays du monde, etc. Ils y croyaient, mais aujourd'hui on s'aperçoit qu'en fait notre gouvernement il est capable de toutes les atrocités dont il accuse le Venezuela d'être d'en être l'exemple, ouais, voilà, exactement. Donc vraiment, même des gens qui n'ont pas une culture politique, etc., se sont retrouvés dans ces manifestations et donc ont pu voir, en fait, ont découvert ce dont l'État colombien était capable, quoi. La Colombie, c'est un pays très fractionné. Les réalités, elles y sont multiples, et entre la ville et la campagne, évidemment, la réalité est très différente, et selon les endroits, selon les zones de conflit, s'il y a, des zones de campagne qui ne sont pas en conflit, ou qui l'ont été plus il y a des années, qui ne le sont plus aujourd'hui, etc. Et donc c'est ça, c'est complètement fractionné, etc. Et donc toute l'oppression qu'il peut y avoir sur les mouvements paysans, etc., en Colombie, qui sont dépeints par les médias, etc., comme terroristes, en gros. T'es un paysan, t'es un guerriero, quoi. C'est un peu ça, le truc. Auquel les gens ont cru depuis, depuis des années. Donc et cette idéologie a un nom, c'est l'uribisme, qui découle d'Uribe, qui a été un président de la Colombie dans les années 2000. Toute cette pensée-là, qui a été insufflée dans la société colombienne pendant des années, et auquel les gens croient, une partie des gens croient, au plus profond d'eux-mêmes, a été mise à mal par la violence dont a fait preuve l'armée, la police, sur les citadins. Et est-ce que c'est spécifiquement cette région-là, le sud-ouest de Colombie, ou est-ce que c'est aussi d'autres régions rurales de Colombie, parce que... Touchées par le conflit ? Oui, ou plutôt être opprimées comme ça, violence, regardées comme ça... que toutes les autres Colombiens disent qu'ils ont peur de cette région, d'y non. aller, de... Non, non, il y a d'autres régions qui sont violentes en Colombie. Il y a le sud de Bolivar, il y a le Putumayo, il y a le Catatumbo, et des zones d'Antioquia. Il y a énormément de zones. C'est un discours général sur tous les paysans... afrodescendants et indigènes colombiens qui sont associés comme ça à la guérilla, etc., à l'insurrection et à des groupes insurrectionnels, etc. Non, non, c'est un discours qui concerne... En fait, c'est un discours qui concerne toute personne qui va... toute personne progressiste qui va oser remettre en question l'ordre établi. Donc, cette personne-là va directement être associée à un terroriste, quoi. C'est un peu le schéma de pensée, le raisonnement qui se fait en Colombie. Je me souviens, je crois que ça fait 6 mois ou un peu plus, pendant, je crois qu'il y avait la grève nationale, où comme des commentaires des gens qui luttent depuis longtemps, des gens qui proches peut-être de la FARC ou des guérillas, qui disait on a lutté des décennies, mais non, en très peu de temps, les jeunes, ils basculent tout. Je ne sais pas si tu penses que c'est vrai. Okay. Est-ce qu'il y a maintenant une prise de conscience très rapide qui explique aussi une répression farouche? Parce que là, maintenant, il y a peut-être une prise de conscience en Colombie depuis un an, je ne sais pas, je ne connais pas trop, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bascule. Peut-être en Colombie. Ou peut-être c'est. Je sais pas. Non, c'est ça. C'est vrai. Les gens ont moins peur de l'ouribisme, ouais. Des ouribistes, de tous ceux qui ont cette pensée ouribiste, etc. Et donc, qui sont dans. Donc, qui était une pensée qui se base sur le fait d'instaurer la terreur et qui légitime. Qui légitime les assassinats, etc., ouais. Parce que, de toute façon, c'est que des terroristes, machin. Eh ben, non, beaucoup de gens commencent à comprendre, à prendre du recul sur tout ça, cette pensée qui a un peu contrôlé la Colombie pendant des années, en du moins une partie. Et donc, oui, ça change beaucoup. Les gens, ce que j'ai beaucoup entendu aussi de la part des jeunes, c'est ben, on n'a plus peur. Ouais. Ils peuvent nous tuer, on n'a plus peur, en fait. Maintenant, les Colombiens ont vécu pendant des décennies sous la peur. Parce que contrôlé par un régime de terreur, etc. Mais des fois, un régime qui est en train de s'effondrer, c'est le moment où il y a le plus de violence. Je pense que ça pourrait être le cas de la Colombie. Ben, je pense que s'il y a réellement un soulèvement en Colombie, l'État usera de violence, etc. Ouais. Et par rapport, parce que tu as aussi fait allusion à l'armée, etc., je crois que les gens n'ont plus... C'est une impression, hein, c'est une impression, ce que je veux dire là, c'est que les gens n'ont pas envie de prendre les armes. Ils ont compris. Il y a eu des années de lutte armée, etc. Aujourd'hui, le but des jeunes n'est pas de prendre les armes. Ils veulent changer les choses autrement, quoi. Ouais, ça. Ça m'a fait fort penser à les zapatistes qui sont passés ici en Bruxelles, qui disaient un peu la même chose, quoi. Tu vois, qu'ils disent on a toujours été vus comme une lutte armée, mais c'était pas le but, et on veut plutôt vous parler de comment on organise l'éducation, la santé, des choses comme ça. Mais par contre, ils ont dit aussi, c'est un peu la même chose, qu'ils ont mis les armes à côté, mais ils sont de nouveau fort oppressés, et donc ils sont de nouveau menacés de reprendre quand même d'armes, donc ils n'ont pas le choix, quoi. Donc, mais voilà, je pense que personne n'a envie, tout le monde a juste envie d'avoir une meilleure vie et de changer la société. Et, mais voilà, le gouvernement, la répression, la militarisation, les armes sont là, quoi. Le truc, c'est que... Oui, vas-y. C'est que l'existence de ces groupes armés a légitimé de la part de l'État la violence dont l'État a fait preuve. Aujourd'hui, je crois que pour, si vous laissez réorganiser en guérilla avant d'avoir un groupe armé fort qui puisse tenir tête, ils seront tous massacrés, quoi. L'État ne laisserait pas. Ils ont eu peur, ils ont dit... Bah, ça a fait partie des désinformations qui ont eu lieu pendant les manifestations, pendant la grève. C'est... ouais, ils sont en train de s'armer, la première ligne s'arme, machin, etc. Donc ça légitimait ce qui était complètement faux. Il y a eu énormément de désinformation. Et d'ailleurs, beaucoup de journalistes indépendants, etc., sont persécutés aussi. Des gens qui suivaient réellement les manifestations, etc. Et donc, les gens n'ont pas envie de passer par les armes parce que ça délégitime toute la lutte, tout ce qui se fait à côté, en fait. Mais ils n'ont pas de choix. Parce qu'ils sont réprimés et tués, c'est ça ? Ouais, mais il y a un peu, par exemple, dans la garde indigène, la réflexion... Donc la garde indigène, qui avant était le Kintinlame, qui était une guérilla armée, qui a déposé les armes, qui est aujourd'hui la garde indigène non armée, bah leur philosophie, c'est si on me tue, il y en a 1000 derrière, en fait. Donc les armes ne sont pas la solution, mais je suis prêt à donner ma vie pour la lutte communautaire, etc. Tu penses qu'est-ce que ça a fait à la Colombie? C'est quand même, je crois, le pays au monde avec la plus longue histoire de lutte armée, je crois que ça a commencé les années 50 avec Camilo Torres et des prêtres de gauche et tout ça. Et ça fait quoi, 70 ans de lutte armée? Et ça, quand même, ça fait quelque chose aux gens, des gens qui ont vécu en 3 générations de guerre en continu, où peut-être les enfants, ils sont nés avec des armes et tout ça. Et c'est peut-être malgré la nécessité de lutter que ça fait quelque chose aux gens. J'imagine la militarisation, que peut-être ce que tu disais là, que ceux qui continuent à lutter, la FARC, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens qui sont 3 générations de structures militaires. C'est une question que je me demande. Je pense réellement que tous ces gens qui, justement, ont grandi avec ces violences n'en veulent plus. Ils ont marre, quoi. Les jeunes, c'est pas par la violence que les jeunes en Colombie ont envie de passer. Ce qui est impressionnant en Colombie, et qui, moi, m'impressionne beaucoup, c'est le nombre de gens engagés et à quel point, au quotidien, au risque, au péril de leur vie, parce qu'ils reçoivent des menaces de mort, qu'on en tue, donc ils savent qu'il y a une épée Damoclès au-dessus de leur tête, ils continuent, ils finissent morts ou forcés à l'exil, etc. Mais il y en a partout dans tout le pays, dans les moindres, dans le plus petit village, au fin fond de je sais pas où, il y a des gens qui sont organisés en coopérative, en trucs, qui luttent, etc. Il y en a partout, la Colombie fourmille de ces gens-là, parce que c'est leur seule porte de sortie, parce que la lutte armée n'a pas fonctionné jusqu'ici. Et que c'est par ça que les gens ont envie de passer la lutte armée. Bon, c'est bien, mais quand on la vit sur plusieurs générations, que ça engendre toute cette violence, les Colombiens ne veulent plus de violence. Et ils sont en train, il y a plein de choses qui se font. que ce soit des défenseurs environnementaux, des défenseurs des droits humains, des leaders paysans, indigènes, afro, qui luttent, qui s'organisent autant dans la politique traditionnelle que dans l'organisation des communautés, etc. Il y en a énormément en Colombie, et la Colombie est en train de changer. Elle fait parfois peur parce qu'elle retombe dans ces années les plus violentes, quand il y a ce genre de... Mais de la part de l'État, de la part du gouvernement, en tout cas d'Ivan Duque. Quand il y a ce genre de violence dans les manifestations, on retrouve des corps démembrés, on retrouve des corps dans les rivières, on a retrouvé un corps dans des arbres. Il y a un supermarché à Cali qui s'appelle Éxito, qui d'ailleurs est une filiale de Casino, le groupe français, qui a servi de centre de torture à la police colombienne. Quand il y a des choses comme ça, les Colombiens, conscients de l'histoire et du contexte de leur pays, se disent que voilà, on retourne aux années les plus violentes qu'ils ont pu connaître, dans les années 90, début 2000, sous Uribe, etc. La Colombie change, je crois. Enfin, elle évolue, en tout cas, les gens s'organisent d'une manière... Je ne sais pas si elle change. Ce que je peux affirmer, c'est que les gens s'organisent d'une manière extraordinaire en Colombie et avec un dévouement... entier, complet et magistral à leur cause, à leur cause respective. Bon, je trouve que ça mérite une musique. On a encore une. Jonathan, tu peux le présenter. Alors, c'est les Motilonas Rap, qui est un groupe de deux rappeuses du Catatumbo, qui ont sorti un morceau justement pendant les manifestations, qui s'appelle SOS Colombia. Et donc c'est deux rappeuses assez qui sortent pas mal de choses. Vous pouvez les suivre sur YouTube, sur les, enfin tous les réseaux sociaux. Motilonas Rap, Motilonas Rap. Sin dirección que no brinda las garantías, solo verdes en la zona, tierras para la minería, policías en la vía, matarnos orden del día, porque el pueblo se paró, se quitó el miedo que tenía. Tiempos diferentes, aguanten mis hermanos, los que están rela en casa, aquí los necesitamos por la vida, doy la vida en mis calles tibullanas, hoy llueve dolor y sangre, es mi gente colombiana. Siempre me pregunto por qué tanta indiferencia frente a un estado asesino, tirando a su conveniencia, la solución no está en la sombra, mirando a los lados. Actúas ante hechos, tu poder has otorgado. No lo dejes a un lado, esto nos incumbe a todos. Aunque cierres los ojos, hasta el cuello te llega el lodo. Como andas cómodo, la espalda nos ofreces. Tú envejeces, pero tus hijos la padecen. Respeto para la gente que suda la camiseta. Paz para los territorios, afuera las tanquetas. La invitación es a pensar una nueva nación. Por una vida digna, por salud y educación. Es ahora o nunca, no dejes pasar las balas. Ellas no regresan, aquel hombre aún dispara. Lo manda él para, pero el paro nadie para. Que para el narcoestado y las cosas sean claras. El Estado los ha matado, no se justifica el daño que le causas a tu pueblo. No puedes hacerte el ciego con todo lo que ves, porque tanta indiferencia, tanto odio y repugnancia. ¿Acaso esperas que te toque a ti? Ahí sí te va a doler. Espíritu fascista que tensiona el ambiente. ¿Se le olvidó que el pueblo es superior al dirigente? Pobres obedientes, así nos quieren ver. La violencia es el medio para hacernos retroceder. No veo el gobierno que lucha por la pobreza. Yo veo la cara del capitalismo y su dureza. Colombia SOS, estamos en crisis. La gente tiene sed, hambre y llenan las UCIs. Paramos todas las veces que sean necesarias. Nos paramos y no vamos a retroceder. Por una vida digna, salud digna y que se indignen los de abajo y no acepten las migajas del poder. Paramos todas las veces que sean necesarias. Nos paramos y no vamos a retroceder. Por una vida digna, salud digna y que se indignen. dominen los de abajo y no acepten las migajas del poder. SOS. Amazonas resiste. SOS. Los Andes resisten. SOS. Caribe resiste. SOS. Colombia resiste. SOS. Islas resisten. SOS. Orinoquia resiste. SOS. El Pacífico resiste. SOS. Colombia resiste. Este es un llamado a la comunidad nacional e internacional. SOS Colombia 276 Records. Bah, bonsoir, bonsoir. On reprend. C'est, moi, vous avez des questions, on discute ou je vais reprendre ouais, c'est la question, ouais. Oui. Bah, je sais pas. Si tu veux, je veux bien te poser des questions. Je pense que c'est peut-être intéressant pour ceux qui écoutent. Les gens, je crois, ils ne connaissent pas forcément qu'est-ce que ça veut dire. La première ligne, ça veut dire quoi? D'accord. C'est quoi? C'est qui? Qu'est-ce qu'ils font? Donc, c'est des jeunes qui sont organisés après, au commencement des violences policières, etc. À Cali, c'est à partir du troisième jour des manifestations qu'il y a eu la police a tiré dans la foule à balles réelles. Je crois que ça a déclenché une abnégation parmi les manifestants. Et donc, les jeunes se sont organisés en première ligne. Donc, c'était les plus convaincus, ceux qui allaient un peu plus à l'affrontement avec la police, ceux qui se mettaient tout devant les manifestations, quoi. Et donc c'est un groupe qui est né dans toutes les villes colombiennes, dans toutes les manifestations. Il y a même eu les mères de la première ligne, donc c'était les mamans de jeunes qui tuaient, etc., de jeunes assassinés, et d'autres, les mamans, quoi, qui se mettaient en première ligne des manifestations, quoi, face à la police, etc., pour protéger les manifestants. Mais si j'ai bien compris, ce que je trouve complètement dingue, ils n'ont en fait rien. Ce n'est pas qu'ils ont armé, ils ont des gilets anti-balles, je ne sais pas quoi. Non, mais ils risquent leur vie en faisant ça, quoi. Mais, consciemment, non? Mais manifester en Colombie, tu risques ta vie parce que l'État, la police, les paramilitaires, des groupes de civils armés t'attaquent à balles réelles et te tirent dessus. Il y a par exemple un témoignage d'une jeune fille de 24-25 ans du quartier de Melendez à Cali qui me racontait un peu un instant de manifestation où il y a eu un mouvement de foule parce que la police a chargé et elle est tombée à terre et il y a un policier qui est arrivé qui lui a tiré dessus. Donc avec son revolver à balles réelles, la balle lui a traversé le bassin. Ensuite, le flic lui a dit c'est ton dernier jour. Ici arrive la fin de ta nuit, en espagnol, mais c'est ton dernier jour, ton heure a sonné. Et il allait lui tirer une deuxième balle dans la poitrine. Et là, un ami à elle est arrivé, a donné un Sébastien, il s'appelle, c'est un des jeunes qui est décédé. Qui lui a donné un coup de coude au policier pour l'empêcher de tirer. Et le policier s'est retourné et lui a tiré deux balles dans le thorax. Et ce jeune est mort. Voilà. Donc oui, c'est dangereux de manifester. Les gens risquent leur vie à manifester en Colombie. Ouais. Il y a à Siloé, un quartier populaire de Cali, où on s'est rendu. Les jeunes m'expliquaient que... Donc à Siloé, c'est un quartier en flanc de colline et à l'entrée, il y a une sorte de rond-point, de petite place à l'entrée de ce quartier avant de rentrer vraiment dans le quartier, etc. À 100 mètres du quartier, il y a un commissariat. Entre le commissariat et l'entrée du quartier, il y a quelques bâtiments, des commerces, etc. Et de l'entrée du quartier, donc le commissariat est caché par d'autres bâtiments qui se trouve donc entre lui et l'entrée du quartier. Mais on aperçoit une fenêtre du commissariat. C'est tout ce qu'on aperçoit, un bout du bâtiment et une fenêtre. Et donc au troisième jour des manifestations, les gens de Siloé, qui est un quartier populaire, pauvre, hein, de Cali, étaient réunis donc, sur cette place qui se trouve à l'entrée. Et là, l'électricité du quartier a été coupée, donc ils se sont retrouvés dans le noir. Est arrivé un hélicoptère de la police ou de l'armée. Et là où l'hélicoptère se mettait à éclairer, il y avait des rafales de tir venant de la fenêtre du commissariat qui tiraient sur les gens qu'on éclairait. Donc il y a eu des morts. Voilà, ça, c'est des techniques employées par la police colombienne pour toujours dans ce truc d'installer la terreur et de faire peur aux gens et qui ne sortent plus de chez eux, etc. C'est pour ça que quand les jeunes à Cali disent on n'a plus peur, c'est, dans le contexte colombien, c'est d'une puissance extraordinaire, quoi. Non, oui, c'est ça qui je trouve ça toujours incroyable. Déjà, dans les passés, non, pendant des années et des années, les pays au monde ont tué le plus de journalistes. Mm-hmm. C'était la Colombie. Mm-hmm. Pourtant, activiste, il y avait toujours des Colombiens qui voulaient devenir journalistes. Et ça, c'est quelque chose que j'ai du mal de comprendre ça. Comment les gens, ils ont tellement de courage. Mm-hmm. Ils savent très bien, ils affrontent de la torture, la mort et tout. Et ils y vont quand même. C'est quand même. Oui, et ils sont assez vite remplacés par d'autres, quoi, tu vois. Ouais, donc, comme les activistes environnementalistes, tu vois, toutes les contractions minières, toutes les choses, toutes les luttes qui sont là-bas. C'est vrai, tu avais nommé dans d'autres émissions avant déjà combien de morts par jour. Il y en a, moyenne de lutte sociale, tous les deux jours de leaders sociaux, défenseurs des droits humains. Et nous, on est effrayés par une arrestation administrative qui fait absolument rien. Ouais. Et pourtant, là, c'est un truc que je ne comprends pas comment les gens, ils sont tellement courageux. D'ailleurs, quoi. En parlant des journalistes, il y a Cali, une chaîne indépendante qui s'appelle Canal Dos, qui est plutôt menée par un monsieur journaliste qui s'appelle Alberto Terrada. Et ce monsieur, que j'ai eu l'occasion d'interviewer, m'expliquait que donc lui a couvert les manifestations avec son caméraman, etc. Il enquête, quand on retrouvait un cadavre, il essayait d'arriver avant la police, avant qu'on fasse disparaître les preuves. Sur le cas du supermarché qui a servi de centre de torture, etc., dont je parlais tout à l'heure, il enquête là-dessus, etc. Donc il prend son métier à bras-le-corps, comme on dit. Et il est évidemment menacé, etc. Toute son équipe est menacée, on les menace de mettre une bombe dans le bâtiment, etc. Il a deux contrats sur sa tête, en tout cas au moment où on s'est rencontrés, il avait deux contrats sur sa tête, il en a peut-être plus aujourd'hui. Il m'expliquait qu'il y avait un contrat de 30 millions de pesos mis sur sa tête par un bataillon de l'armée officielle colombienne. Donc des soldats du même bataillon qui ont cotisé entre eux pour mettre un contrat sur la tête de ce gars-là. Voilà. Un contrat, ça veut vraiment dire un voilà. Enquête de mort, quoi. Celui qui le tue, il a 30 millions de pesos. Ah ouais, c'est vraiment le cow-boy. C'est ça. Et en Colombie, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Donc, c'est vraiment. C'est pas, ici, en Belgique, si tu dis, écoutez, j'ai 5000 euros pour aller tuer n'importe qui, je sais pas si je trouverai grand monde. Mais en Colombie, c'est beaucoup plus courant, évidemment, comme technique, comme manière de faire. Donc c'est ça aussi, tu parlais des journalistes, et les journalistes indépendants, ceux qui essayent de faire leur métier, etc. C'est dans ce genre de situation-là qu'ils se retrouvent, ouais. Ouais, parce que tantôt, tu disais que tu avais toute une listing des méthodes, c'est ça ? Voilà, exactement. Qui sont utilisées en Colombie. Donc, avec cette délégation donc, qui a eu lieu, qui a récolté des témoignages dans tout le pays, etc., il y a eu un communiqué. C'était une délégation externe ? Une délégation composée de 41 délégués, venant de 13 pays du continent américain et européen. Donc voilà, des gens, des avocats, des défenseurs des droits humains, etc., qui allaient pour... comment récolter des témoignages, prendre des notes, etc. Et faire un état des lieux de ce qui s'est passé dans le pays pendant les manifestations. Et donc il y a eu un communiqué final qui est trouvable sur Internet. Et donc donc cette mission, cette délégation a relevé 11 stratégies de traitement de guerre utilisées durant la contestation sociale. Donc un usage excessif et disproportionné de la force, caractérisé par des tirs à courte distance, horizontaux et visant le tiers supérieur du corps, notamment le visage et la tête des manifestants. L'utilisation d'armes avec des munitions non autorisées et l'utilisation abusive de munitions autorisées pour provoquer une plus grande létalité pour la santé et la vie. L'utilisation de projectiles à pointe contenant de la chevrotine, des billes, des clous, des pointes et des objets tranchants utilisés pour causer le plus grand dommage possible à la population civile a été noté. Des cas documentés de manifestants blessés par des armes blanches et des armes à feu portées par les membres de l'ESMAD, l'équivalent des CRS. Les méthodes de persécution des participants, des brigades sanitaires, donc des brigades médicales, des défenseurs des droits de l'homme, des personnes blessées à la suite des interventions des forces de sécurité, des médias alternatifs, de certains membres des églises et toute personne qui décide de soutenir ou de participer d'une manière ou d'une autre aux manifestations. Les assemblées judiciaires, l'utilisation de preuves et ou l'abus de pouvoir pour poursuivre les manifestants et les non-manifestants, des actions de terreur et de contrôle social par le biais de couvre-feux, l'utilisation de matraques pour frapper directement les jeunes et les manifestants, même lorsqu'ils étaient abrités dans des maisons, des parkings, des magasins ou qu'ils étaient blessés. L'infiltration de policiers en civil dans les manifestations afin de générer des scénarios de confrontation et de surveiller sélectivement les manifestants et ou les leaders des manifestations. Dans certaines régions comme El Valle del Cauca, où se trouve Cali, Nariño, Antioquia, Santander et la région cafetière, on a pu identifier le phénomène du paramilitarisme et la présence de civils armés qui, en collusion avec les forces de sécurité, la police, ont attaqué les manifestants avec des armes à feu à longue et courte portée. Ce mode opératoire n'était pas spontané, mais systématique et visait à semer la terreur dans différents secteurs sociaux. J'ai une question par rapport à ça. Donc, plusieurs acteurs de répression, il y a les militaires, les SMAT, donc c'est la police. C'est ça. Et en plus, les paramilitaires. C'est ça. En fait, donc, il y a les militaires et tous les secteurs de la police, donc le GOES, qui est un groupe spécial, les SMAD, les CRS, la police normale, tous les secteurs de la police. Et puis, des groupes de citoyens, ou ribistes, on va dire, de la pensée dont on parlait tout à l'heure, qui s'octroient le droit d'aller... Qui prennent des armes et qui vont tirer sur les manifestants et tout ça sous les yeux de la police, etc. Donc c'est évidemment les paramilitaires étaient présents dans la répression de ces manifestations et voilà, et là c'est des groupes de civils qui emploient les méthodes paramilitaires aussi, voilà. Et tout ça sous les yeux de la police, donc on parlait de ils étaient souvent en moto ou en camionnette blanche, les gens parlaient beaucoup de camionnette blanche, qui arrivent, ils ouvrent le feu, mais donc il y a la police, il y a les manifestants, il y a la police, il y a les machins, etc. Ils sont juste à côté, qui ouvrent le feu sur les manifestants, qui repartent, et puis ils repartent, quoi. Ils sont pas poursuivis, ils sont pas... Voilà. Comment tu dis ça, de milices privées, c'est ça ? C'est ça, ouais, c'est ça. Ça, c'est... Ouais, les paramilitaires, c'est ce que c'est. Des milices privées, etc. Dans ce cas-ci, c'était... Ils ne sont pas identifiables, rien. C'est plus des c'est, par exemple, à Cali, ouais, c'est des groupes des quartiers bourgeois de Cali, et ça, la bourgeoisie de Cali, quoi, qui est armée, qui a cet esprit cow-boy, etc., et qui décide de Parce que ça se fait en Colombie, si t'es, si t'es un peu riche, si t'es du bon côté, si t'es du côté de la police, machin, etc. Bah voilà, t'es dans une impunité totale, exactement quoi. Et donc, et bien sûr qu'il y avait des groupes paramilitaires, que les paramilitaires ont participé à la répression, etc. Et là, je crois que c'est encore autre chose. C'est des méthodes paramilitaires, mais de citoyens comme ça, complètement décomplexés, qui se s'octroient le droit d'aller tirer sur les manifestants parce qu'ils savent que rien ne leur arrivera, quoi. C'est un peu comme des fachos qui vont à Lesbos tuer. Ouais, voilà, exactement. Tirer sur les bateaux. Ou les fachos qui vont dans les Alpes pour empêcher les migrants de passer. Ouais, c'est ça. Tirer sur les bateaux en Méditerranée. Parce qu'ils décident que c'est un droit moral, c'est leur cause et qu'ils peuvent le faire comme ça. Ouais. C'est la même chose, ouais. C'est ça. C'est le même. Ah, ça, on a encore une musique. C'était Prophet of Rage. Smash it. Donc on était sur les paramilitaires et les milices privées et toutes les choses de violence en Colombie. C'est ça. On a fait un parallèle et tout avec les groupes paramilitaires. Donc toujours dans le communiqué final de la délégation, il y a des informations sur l'identification de la présence et du fonctionnement des groupes paramilitaires parce que justement le truc de ces groupes c'est ils n'ont pas d'uniforme etc. donc ils agissent comme ça de manière comme des mercenaires, etc., de manière un peu cachée, etc. Enfin, il est difficile d'avoir des preuves. Donc, ce qui peut être réuni autour pour qui prouve leur présence dans ces manifestations. Ici, il y a différentes choses qui le prouvent, différentes informations. Donc, je vais commencer un peu à les citer, et puis on peut se couper, etc. Certains de ces groupes attaquent des manifestants avec des armes à feu à longue et courte portée. Des sources d'informations fiables permettent d'établir la consolidation d'un plan criminel dont l'objectif est de générer la terreur et, dans la plupart des cas, l'assassinat éventuel de jeunes appartenant aux mouvements sociaux et populaires qui se rassemblent aux différents points de résistance pendant la grève nationale. Donc les points de résistance, dans chaque ville, il y avait différents endroits, des ronds-points, des ponts, des machins qui étaient pris et sur lesquels les manifestations s'organisaient en faisant une cuisine communautaire, en donnant des cours d'alphabétisation, des cours de dessin. Ils créaient une vie communautaire sur des points sur ce qu'ils appelaient des points de résistance. En outre, les victimes ne sont pas seulement les jeunes qui manifestent, mais aussi ceux qui appartiennent aux brigades médicales, aux médias alternatifs comme Canal DOS, la chaîne dont je parlais tout à l'heure, les avocats, les défenseurs des droits de l'homme, ainsi que les personnes qui ont manifesté leur solidarité avec les activités de la grève nationale en fournissant de la nourriture ou d'autres types de dons. Donc vraiment, tout le monde est mis en danger. Le fait de participer à cette cuisine communautaire, d'amener, j'en sais rien, des pommes de terre, des oignons, des trucs, t'es potentiellement en danger pour avoir fait ce genre d'acte. Ce qui prouve, sans nul doute, la manière dont on empêche les gens de contester en Colombie, quoi. Parce que même ça est vu comme un acte presque insurrectionnel, quoi. Je voulais te demander, le paramilitarisme, c'est ancien, non, en Colombie? Moi, j'ai en tête, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, que ça naît avec le business de la drogue. Mais en fait, c'est qui? C'est des ex-militaires ou des militaires ou policiers? Tu disais aussi, il y a des bourgeois qui sont armés, ou c'est tout à la fois? C'est qui ces paramilitaires? C'est né en fait quand Uribe était maire de Médine ou gouverneur de la région d'Antioquia. Je ne sais plus, il a commencé à créer des milices comme ça, citoyennes, etc., pour un peu pour soutenir la police, etc. Il y a certaines personnes qui disent qu'ils sont nés de là, de ces milices-là. Ensuite, ils sont dans toute une région qui s'appelle le Magdalena. Ils ont servi, en fait, c'était dans les années 80. Ils sont pas nés de la drogue. Ils ont servi à tuer toute contestation sociale, en fait, dès le départ. Aussi à combattre la guérilla, etc. Mais en fait, à faire tout le sale boulot que l'armée ne pouvait pas faire. Et il a été prouvé maintes et maintes fois, ne fût-ce que dans le cas des faux positifs sur lesquels je peux venir, qu'ils ont collaboré avec la police, etc., en fait. Et ils sont coupables de massacres, etc. C'est ces groupes-là qui ont servi à installer complètement la terreur en Colombie. Mais c'est, en fait, je pense à un truc historique, les années 20 en Allemagne, après la Révolution en Allemagne, il y avait plein de groupes paramilitaires qui sont devenus des groupes fascistes organisés après. Mais genre Rosa Luxemburg qui était tuée par qui? Par des paramilitaires. C'était le même type de répression. Mais comme police ça, de normal, groupe, militaire ne pouvait pas faire. C'est un peu ça, non? Ouais, c'est ça. C'est exactement ça, tout à fait. Et sauf qu'aujourd'hui, en Colombie, les groupes paramilitaires, je pense qu'il y a un groupe qui s'appelle Las Águilas Negras, c'est 5000 hommes, c'est une armée de 5000 hommes. C'est pas des petits groupes, c'est des armées, ils sont là, ils sont partout, et ils contrôlent les villes, comme une ville comme Medellín est contrôlée complètement par les paramilitaires. Dans le centre de Medellín, si tu comme il les commerçants ont des impôts à leur donner, etc. Si tu achètes un truc dans le centre de Médine, tu sais que l'argent va aux paramilitaires. Mmh. Ils sont dans tout. Ils sont bien sûr aussi dans le business de la cocaïne, etc. Mmh. Un avocat défenseur des droits humains colombien qui est venu ici à Bruxelles en novembre, Franklin Castaneda, s'appelle, m'expliquait qu'en fait, donc tout à l'heure, je citais le cartel mexicain de Sinaloa. Je disais qu'il était présent en Colombie. En fait, ce qu'il expliquait, c'est que depuis la montagne jusqu'au port, c'est les paramilitaires qui transportent la cocaïne, la pâte de cocaïne, machin, etc. Et que le cartel de Sinaloa est présent, et fait plutôt le transport depuis la Colombie jusque dans les autres. Comment ça s'est fait que les Mexicains, cartel de Sinaloa s'est mis... Bah, j'en déduis que les cartels mexicains, les cartels colombiens ont complètement perdu de leur puissance. Les cartels colombiens aujourd'hui, c'est les paramilitaires. Ça. Et l'État colombien est un État narco-paramilitaire. Ils font. Et les Mexiques aussi, un peu, de plus en plus, j'ai l'impression que... Bah c'est très possible parce que ça a tellement d'argent qu'il y a moyen de tout corrompre en fait avec la coke. Ouais. Ça fait 40 ans déjà, les Mexicains disaient pauvre México, tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos. Pauvre Mexique, tellement loin de Dieu et tellement proche des États-Unis. Et j'ai l'impression que Mexique, c'est un peu, ça devient de plus en plus le même problème qu'en Colombie. Tristement. C'est pour ça que j'y ai tourné quand même. Les cartels de Sinaloa est maintenant en Colombie. Je crois qu'il est très puissant, ouais. Enfin, ouais, s'il est là en Colombie et tout, c'est c'est très puissant. Et puis que les... Avant, on parlait des cartels de Medellín, cartels de je sais pas quoi. De Cali. De Cali, Et eux, qu'est-ce qui s'est passé avec ces cartels? Je peux pas dire. Je sais pas exactement. C'est de la fusion des business. Ouais, peut-être. Sinaloa qui a acheté. Ils se sont effondrés. Et puis je pense que certains des membres de ces cartels, etc., s'est rapproché du pouvoir, en fait. Uribe, je pense que le père d'Uribe était un proche de Pablo Escobar, je pense. C'est des choses que j'ai entendues après, à vérifier. Difficile à prouver, peut-être. Mais, non, ou pas. Il faudrait s'y intéresser un peu plus. Tout ça est lié, etc. Puis les cartels se sont un peu effondrés. Puis ils ont trouvé leur pouvoir autrement, quoi. Puis aujourd'hui, oui, c'est les groupes qui détiennent le pouvoir, les groupes illégaux qui détiennent le pouvoir en Colombie, c'est les paramilitaires. Et ce que je trouve personnellement assez fou, c'est que pendant des années, on a entendu parler de la Colombie par la coke, par la guérilla et la coke. Et jamais on a entendu parler des paramilitaires. C'est fou quand même. À quel point la dictature latente comme ça qui existe en Colombie a réussi à cacher au reste du monde la vérité sur son régime, quoi. Et c'est parce qu'il y a tout, il y a tous les éléments, on retrouve tous les éléments d'une dictature, mais c'est pas une dictature frontale comme on peut voir au Chili, etc., où c'est vraiment l'armée qui prend le pouvoir, machin, etc. Et en Colombie, il y a un truc, il y a tous ces réflexes dictatoriaux qui existent, mais personne n'en parle. Enfin, c'est hyper caché, ils rentrent tous tout plus... Mais quand même, avec la guérilla et le FARC, on savait qu'il y avait les paramilitaires qui tuaient plutôt quand même les membres de FARC. Ouais, peut-être. Mais j'ai l'impression que l'opinion publique. Il faut déjà s'intéresser aux guérillas pour savoir comment ils ont été oppressés et tout ça. Ouais. Mais c'est vrai, c'est aussi qu'on était en Colombie qui m'a frappé aussi. C'est vraiment le lien avec les États-Unis, quoi, tu vois. Et que même au niveau de santé et tout ça, qu'il y avait vraiment plein d'équipes médicales qui venaient des États-Unis. Soi-disant donner des soins, donner des trucs de vaccination à la population, ils étaient super présents. Et donc ça aussi que Ribé et tout ça, c'était fort en lien avec États-Unis. Allez, tu vois, donc c'est aussi ça, quoi, tu vois. J'ai peut-être une proposition, je ne sais pas si vous voulez faire une pause musicale, mais ça serait peut-être un thème en soi. parler de la relation entre États-Unis, peut-être l'Europe aussi, mais surtout les États-Unis et Colombie. Mais peut-être que ce sont tout un thème. Non, j'aimerais faire du coup une intervention justement liée aux manifestations. Oui, oui. Okay. Ce qui explique en fait le fait que ces policiers est aussi facile à tirer sur des innocents. C'est le fait, en fait, en Colombie, la police colombienne fait partie du ministère de la Défense. Et l'armée et la police colombienne sont formées dans une école militaire qui se trouve en Géorgie, aux États-Unis, qui s'appelle Las Américas, et dans laquelle on apprend aux gens, on forme les militaires et la police à concevoir l'ennemi comme venant de l'intérieur. Donc l'ennemi vient de l'intérieur, l'ennemi est le peuple, etc. Et c'est un raisonnement, enfin une pensée tirée des guerres coloniales. Il y a de la pensée d'un, je ne sais plus son nom, mais d'un colonel de l'armée française durant la guerre d'Algérie qui a écrit des manuels, etc. Dont s'inspire aujourd'hui cette école militaire pour former la police et l'armée colombienne. Et il y avait l'école française en Argentine. Oui. C'était des tortureurs d'Algérie français qui ont éduqué les Argentins, un des pires dictatures militaires au monde. Comment torturer ? C'était des Français qui sont. Mais ceci parce que les États-Unis ont plein de profits à tirer en Colombie. Tu vois, tout le truc d'extraction minière, tout le truc hydrologique. Là, tu vois, toute l'Amérique du Sud, en fait. Ils sont de nouveau. Et ce n'est pas que les États-Unis, c'est l'Europe. C'est avec l'Afrique. C'est le monde. Mais c'est vrai que le truc qui m'a frappé énormément aussi. Des activistes en Latinamérique, maintenant ils disent de plus en plus on est devenu nouveau colonisé, quoi, tu vois, on est devenu nouveau une colonisation. Je sais pas si ça a cessé d'être une colonie à un moment. L'Amérique du Sud, l'Afrique. Tu vois, ils disent qu'ils avaient peut-être leur indépendance à certains moments, mais après être colonisés, et maintenant ils revivent, tu vois, colonisation complètement où ils sont de nouveau pour tous les intérêts du pays, quoi, tu vois, naturel, autre, pour le COP. Il y a des gens qui ont fait des cartes avec toutes les concessions minières, ça couvre toute l'Amérique latine, tous les Andes, du sud au nord, dans les concessions de plein de compagnies européennes, canadiennes, des États-Unis, d'Australie, partout, quoi. Et c'est dingue, ça couvre toute l'Amérique latine. Donc c'est vraiment c'est une récolonisation, quoi, mais farouche. Mais c'est vrai, peut-être ça pour une autre émission, parce qu'on est à 10 minutes à la fin de l'émission. Oui, c'est ça. Parce que c'est super intéressant. À Colombie, on peut parler encore plusieurs. Et on a déjà commencé avec Jonathan plusieurs émissions et on le refera certainement. Parce que peut-être que les auditeurs, auditrices... s'il veut encore pouvoir nous suivre, mais... Même en espagnol, Oui, mais il y a pas mal de... Mais il y a pas mal d'émissions latino-colombiennes ici à Radio Air Libre, je suis sûre qu'ils en parlent de ces choses-là aussi. L'autre fois, on a parlé avec toi et Angel, quoi. Donc... je sais pas si tu avais encore vraiment des choses que tu voulais vraiment que... Quand on passe... ça me paraît bien. Ouais. C'est qu'il faut suivre parce qu'il y a des élections qui arrivent en Colombie. Il y aura ces manifestations, il y a eu ces deux, trois mois de manifestations, mais elles vont reprendre un moment, donc il est important que depuis l'extérieur, depuis l'étranger, on suive ce qui s'y passe, parce que à chaque manifestation, depuis 2013, il y a la violence de la part de l'État colombien augmente. À chaque fois, etc. Dans les dernières, il y a des horreurs qui sont passées, des crimes de lèse-humanité, des actes terribles, de la barbarie part de la force publique colombienne. Et il est important de suivre tout ça parce que ça va continuer. Parce que je me demande aussi, parce que vous êtes là comme observateur, le rapport va sortir. Il est sorti. C'est quoi la suite ? C'est quoi l'engagement de l'Europe, par exemple, là-dedans, quoi, tu vois, quand ils ont dit, oui, on va envoyer des gens pour... témoigner. Bah, c'est pas l'Europe qui l'a envoyé. Moi, j'y suis allé. C'est des organisations. Nous, on est organisés en tant qu'ASBL. C'est pas les gouvernements qui ont envoyé ces gens. C'est des organisations qui travaillent sur ces thèmes-là, en fait, qui ont envoyé une personne, un membre de l'organisation, etc., pour aller suivre, faire ce travail-là, quoi. C'est pas... Ici, du coup, avec Nexus, on a eu des rendez-vous, on a eu avec des politiciens pour alerter sur ce qui s'était passé, sur base des témoignages que j'avais vus et de témoignages de l'avocat dont je parlais tout à l'heure, Franklin Castaneda, qui est un avocat défenseur des droits humains en Colombie. Et donc, on a fait une petite, enfin, on va dire, comment on appelle ça, un tour de politiciens, de partis, où on est allé leur expliquer. On a été au PTB, on a été même à droite avec des filles. On a rencontré le deuxième, là, d'Écolo, j'ai oublié son nom. Le PS aussi. Voilà, pour alerter, voilà, c'est, on va dire, une sorte de lobbying pour alerter sur ce qui se passe là-bas, etc., quoi. Mais il y a un traité de libre-échange qui existe entre l'Europe et la Colombie et qui non plus ne facilite pas le fait que l'Europe prenne position. C'est la Mercosur. C'est différent, c'est le TLC. C'est encore un autre. Ouais, en fait, ouais. Je crois et, que c'est... Pour terminer, là-bas, j'ai un rendez-vous avec l'assistant de l'ambassadrice de Belgique parce qu'il y avait un changement d'ambassadeur, elle était de retour en Belgique. Voilà, on l'a expliqué. Lui, était, ça va, il connaissait un peu la situation du pays, mais après, tu fais une photo, il le met. Voilà, on a reçu tel et les gens de telle organisation là-bas. J'étais avec des gens du comité de solidarité avec les prisonniers politiques, etc. Donc, bon, par le fait de communiquer, le fait qu'ils étaient avec ces personnes-là, etc., ils prennent en quelque sorte une petite position, mais ils prennent, il n'y a pas d'actes forts qui suivent. Encore moins, on est allé aussi à l'ambassade de l'Union européenne à Bogota. Eux, ils étaient complètement à la masse. Voilà, c'est cordial, c'est machin, c'est... Mais voilà la position des politiques. Et puis, la Colombie n'est pas toujours une priorité pour nos pays, quoi. Et c'est un pays ami, en fait, aussi. Et vous avez pu parler avec d'autres journalistes externes Très peu. On a pris contact, etc., mais très peu, finalement. Donc même là, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Non, mais on n'a peut-être pas aussi de tous les contacts qu'il faut. D'ailleurs, si vous en avez, moi, je suis preneur, tout à fait preneur. Je ne sais pas si je peux poser une question. Est-ce que tu penses que l'Europe suit la politique des États-Unis en Colombie ou est-ce qu'il y a une différence ou... En tout cas, il y a des forts intérêts économiques. Je sais pas, la Belgique vend des FAL, ils sont très contents. La Belgique vend des pommes de terre en Colombie. Les pommes de terre en Colombie sont importées de Belgique. Ah bon. Voilà, c'est aberrant. Ouais, on a du mal à y croire, oui, sur une terre. C'est mieux, mieux que des FAL, au moins. Oui, c'est ça. Mais après, les armes, je pense que c'est possible aussi. Hein. Parce qu'il y a déjà... Bon, de toute façon, il y a des armes de Belgique qui vont vers Mexique, mais qui sont... Mais c'est pas via le Mexique, c'est via d'autres pays que finalement, ça arrive chez des paramilitaires chez plein de gens. Donc il y a un vrai des axes qui travaille énormément là-dessus. Et ils ont vraiment toutes les chiffres et des choses comme ça. Mais c'était surtout... ils ont plein de choses découvertes sur le Mexique et la Belgique. Mais c'est un entrée en Amérique latine, quoi, tu vois. Après, ça passe, tu vois. Donc, non. Fabrique des armes, elle se retrouve partout, de toute façon. Quoi. Ouais. Donc, ils luttent vraiment ici en Belgique contre le gouvernement flamand et Wallonie. Pour ça, quoi, tu vois, pour que les permis ne passent plus. Parce qu'ils découvrent vraiment que les armes vont dans des pays en guerre, dans des pays où les droits humains sont menacés. Oui. Donc, il y a encore eu une action aujourd'hui par la justice pour vraiment dire que la Belgique est vraiment coupable dans toutes ces affaires. Donc voilà. Mais peut-être, désolé vraiment parce que c'est super important d'en parler tout ça. Mais presque on vient à la fin de l'émission. Et ok, mais alors encore le dernier morceau, mais c'est sur ce que Jonathan avait dit tantôt, et comme ça, on clôture avec ça. Ah oui, oui, sur les violences policières d'assassins, évidemment, le grand classique, l'État assassine. Et un grand merci, mais vraiment, merci de vous, nouveau. Et vraiment... Joyeux anniversaire, Axel. Oui, et j'espère qu'il a bien arrivé chez lui. Ouais, ah oui, ok, d'accord. Ça va. Une bonne solstice à tout le monde. Déjà passé, c'était le 21. C'était hier, non? C'était hier. Ouais. Ouais, c'est ça. Ah ouais, ok. Bon. Merci beaucoup. Allez, merci à vous. Super. Salut. Merci. Ce serait pire encore que la société a besoin de vous. Sans compter ses morts, mais c'est fini. Le peuple se réveille et nous demandons des comptes. Le pouvoir judiciaire doit prendre au sérieux ce que l'on raconte. Car lourde ambiance quand la bavure frappe. La police et l'armée sont des gangs organisés dont je prends mes marques. Un exemple de comportement dans les émeaux du 18e. Ils frappent les jeunes, les vieux, les enfants afin que l'ordre règne. Nous sommes base au premier chapitre des enculeries politiques, financières. Le business des affaires est prospère quand il se règne dans les couloirs des ministères. Et pendant qu'assassin est censuré quand il s'exprime, le gouvernement est à la tête d'un état qui assassine. Y'a l'état assassine. Yeah.